Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Bah, bonsoir, on est à l'émission Tranche d'un art. C'est l'émission anarchiste Radio Air Libre qui passe tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h et qui est rediffusée le vendredi soir à 21h. Et le studio de Radio Air Libre se trouve chaussée d'Alsenberg, 365A, à Forêt. Voilà, le numéro de téléphone, il n'est plus marqué ici dans le studio. Avant, il était marqué dans la fiche, je ne sais plus par cœur. Mais voilà, on est en studio et normalement, vous pouvez nous appeler, mais vous pouvez trouver aussi ce numéro sur le site de Radio Air Libre, c'est radioairlibre.net. Bon, ce soir, on a plusieurs sujets. On va d'abord parler du procès pour le droit de filmer la police. Après, on va parler de vendredi, le 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants. Et il y a plusieurs actions qui ont déjà eu lieu ce week-end passé. Dans ce cadre-là, ou en général, sur cette thématique de migration et frontières. Et on a aussi un retour de d'autres manifs encore qui ont eu lieu ce week-end passé, de manifs de santé en lutte et pour la liberté des prisonniers de Chili. Et ce matin, j'ai pu interviewer Thomas de Zine TV pour parler de qu'est-ce que c'est ce procès et pourquoi la Zine TV a fait ce procès pour le droit de filmer la police. Si on est prêt, on peut écouter cet enregistrement maintenant. Bonjour. Demain, il y a le procès pour le droit de filmer la police. Demain, le jeudi, le 17 décembre à 14h. C'est le final du procès, c'est ça? C'est avec une audience publique dans le tribunal correctionnel néerlandophone, ouais. Palais de justice. Mais pourquoi Zine TV et Attaque Bruxelles 2 ont entamé ce procès? Parce qu'il y a soi-disant en Belgique le droit de filmer la police par tout le monde, citoyens et presse, si on respecte certaines règles, surtout liées à la publication après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi vous avez lancé ce procès? Ok, je rappelle pas ce qu'est Zine TV avant, je sais pas si les gens connaissent. Oui, aussi. Zine TV, rapidement, c'est un double projet. C'est un projet à la fois pédagogique et à la fois un projet de médias en ligne. Donc, en gros, l'idée, c'est que le projet pédagogique alimente le média en ligne, notamment à travers ce qu'on appelle la PVLS, ça veut dire la permanence vidéo des luttes sociales. Donc, en gros, c'est des films d'atelier qu'on donne tous les mardis, ouverts à n'importe qui, pas besoin forcément d'être un expert ou d'avoir des connaissances techniques. L'idée, c'est d'avoir envie de montrer à l'écran des réalités un peu différentes, enfin peu entendues, quoi, qui documentent les luttes sociales, et d'avoir l'envie d'apprendre, d'expérimenter de manière collective, quoi. Et donc, c'est des rendez-vous hebdomadaires, et c'est dans ce cadre-là que, en 2015, la police nous a supprimé des images lors des rassemblements contre le TTIP et le CETA à Bruxelles, 2015, voilà. Et donc, en fait, c'était en partenariat avec Attaque Bruxelles parce que, à l'époque, on collaborait beaucoup, on réalisait des films. Et là, l'idée, c'était de réaliser un reportage sur les manifestations pan-européennes contre les traités de libre-échange. Et l'objectif de ce reportage, c'était de couvrir l'encerclement du Conseil européen. Donc, il devait y avoir un blocage pour empêcher, ou en tout cas essayer d'empêcher les négociations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on on s'est fait arrêter un peu comme d'habitude. Donc, en gros, on était... Même comme presse, vous étiez arrêté. Oui, c'est ça, même en se déclarant comme presse, enfin en tout cas comme reporter, on s'est fait arrêter. Mais en gros, l'idée, c'était de couvrir cette action qui a démarré Place Mézère, à Skerbeek. Et on s'est fait arrêter rue de Spa, à côté du square Amburix. Et l'idée, c'était de collecter de quoi bloquer les rues dans les alentours. Et donc, un peu comme d'hab, on s'est fait nasser, puis emmener aux casernes d'Etterbeek. Et une fois que la police, après l'arrestation, je ne sais plus, on est resté 3-4 heures, nous a ramenés dans la commune de l'arrestation, parce que c'est comme ça que ça se passe à Bruxelles. Donc c'était Porte de Halle. Moi, j'étais un des premiers à sortir du bus et j'ai repris ma caméra pour continuer à filmer le portage. Et en quelques secondes, un policier m'a pris la caméra des mains en m'obligeant à supprimer mon dernier plan, prétextant que son visage apparaissait. C'est pour ça qu'après coup, on a pu, en récupérant les images, on a pu identifier le policier. Et voyant que j'avais filmé les policiers alors que j'étais dans mon droit, il a pris ma caméra, il est monté dans le bus et il a filmé l'entièreté de mes images. Donc il a formaté la carte SD et donc on n'avait plus accès aux images. Par après, on a réussi avec un petit logiciel de récupération de données qui s'appelle PhotoRec, qui permet de récupérer des photos et des vidéos d'une carte SD. Malgré le formatage, on a réussi à récupérer en partie les images parce qu'elles étaient soit plus accessibles, soit en partie endommagées, soit en fait le logiciel a même récupéré des images antérieures. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir le visage du policier fautif. Et on s'est constitué après avec Attaque Bruxelles et donc Zine TV, partie civile devant un juge d'instruction pour porter plainte contre ces deux policiers. Et donc maintenant ce process, ça traîne depuis quand Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'était donc en octobre 2015, puis on s'est constitué partie civile. On a déposé plainte auprès du comité P en janvier 2017. Et donc le comité P a reconnu, il y a eu une circulaire qui a circulé au sein des commissariats de police, a reconnu qu'un policier ne peut pas supprimer ou imposer la suppression d'images à une personne qui filme l'action policière, qu'on soit journaliste ou non, sachant que, filmer une intervention policière, en fait, c'est tout à fait légal, c'est un droit qui concerne tout le monde et pas uniquement les journalistes, dans le sens où l'accès à la profession de journaliste n'est pas réglementé, donc il n'y a pas besoin de posséder une carte de presse pour faire un reportage, et donc on peut filmer la police sans que ça entraîne ni contrôle d'identité, ni privation de liberté administrative, ni saisie du matériel, ni obligation à effacer. Et donc maintenant, c'est presque le final du procès. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir avec ça, une jurisprudence, quelque chose qui peut être utilisé après pour protéger le droit de filmer, parce qu'apparemment en Belgique, c'est un droit, mais c'est pas vraiment respecté. Mais donc l'idée, oui, c'est ça, c'est surtout un procès pour tous les autres où il n'y a pas de preuve en fait. Donc l'idée, c'est de faire bouger la jurisprudence. Après, en effet, en Belgique, on peut filmer l'action policière et on peut diffuser des images. Alors il y a toujours discussion sur la diffusion. Normalement, il faut que ces images ne portent pas atteinte ni à la vie privée des policiers, ni à une enquête en cours. Mais en fait, faire bouger la jurisprudence, ça a été le cas sur un autre procès avec la police qui impliquait Zine TV. En 2018, on a mis en place une exposition qui s'appelait Don't Shoot. C'était une exposition collective avec donc Zine TV, il y avait le collectif Krasny, il y avait un photographe qui s'appelle Frédéric Moreau de Bélaigne et il y avait la Ligue des droits humains. Et l'idée, c'était de, d'organiser une exposition collective sur la pression de la liberté d'expression, la criminalisation des mouvements sociaux, des migrants, des journalistes, et donc pour réaffirmer le droit de filmer la police. Et en fait, 4 policiers ont porté plainte parce qu'ils étaient reconnaissables dans certaines des images de l'exposition. Et en fait, la jurisprudence a clarifié les choses dans le sens où on a le droit de filmer ou de photographier la police et de diffuser de manière non floutée, surtout quand le policier est sans matricule, alors que c'est une obligation légale. Et de deux, quand l'objectif de l'exposition, c'était de contribuer au débat public et c'était dans l'intérêt général. Et donc, c'est toujours au cas par cas. Il y a des poursuites possibles, mais c'est au juge de décider. C'est-à-dire que, mon droit à diffuser des images peut être supérieur dans le but d'informer un public à la vie privée des policiers qui sont en fait dans l'exercice de leurs fonctions et donc qui doivent accepter de se laisser filmer et photographier. Et donc, c'est ça l'enjeu de ce procès, quoi. C'est de réussir à faire bouger la jurisprudence et surtout à rappeler, notamment vis-à-vis de ce qui se passe en France avec la loi sur la sécurité globale, mais de rappeler vraiment qu'on a le droit de filmer la police et qu'en fait, au-delà de la liberté d'expression qui parfois est un peu une idée vague où on ne sait pas très bien de quoi on parle, l'idée c'est vraiment de rappeler qu'en démocratie, si on est en démocratie, on doit pouvoir témoigner et documenter l'action de la police, l'action répressive. Il faut pouvoir documenter les dérives autoritaires. On a besoin de ce point de vue, en fait, qu'il soit journalistique ou citoyen, quoi. Est-ce que tu as un conseil pour les citoyens qui filment et qui ont des ennuis après avec la police, à qui s'adresser? Parce que pas tout le monde a les moyens pour payer un procès. Donc, il y a la Ligue des droits humains qui a une plateforme dont j'oublie le nom maintenant qui s'appelle. Peut-être que tu peux m'aider. Police Watch. Comment ? Police Watch. Oui, c'est ça, Police Watch. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les policiers, en fait, sont de mauvaise foi dans le sens où ils connaissent très bien les règles et ils les enfreignent généralement en connaissance de cause. Et donc, d'être à même de pouvoir rappeler ses droits, souvent. J'ai l'impression qu'ils inhibent un peu les policiers dans le sens où ils savent très bien qu'ils enfreignent les règles. Après, généralement, comme d'hab, ils échappent aux sanctions, quoi. Il y a de plus en plus d'intimidation envers les gens qui filment ou les journalistes depuis de nombreuses années. C'est toujours un problème. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Moi, je connais la Ligue des droits humains. Essayer d'en parler dans la presse. J'espère que ce procès pourra changer quelque chose. Mais voilà, c'est toujours parole contre parole, c'est-à-dire parole policière contre parole suspecte par avance, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui portent plainte contre la police dans ce genre de choses? Est-ce qu'il y a d'autres presses qui ont déjà porté plainte ou est-ce que vous êtes un peu le seul là-dedans? Alors, je sais qu'il y a d'autres cas, notamment après 2015, des photographes plus... Je crois qu'il y avait un photographe d'RTL ou de la RTBF, en tout cas de grands médias, quoi, qui ont porté plainte. Après, j'ai plus exactement les détails en tête sur ces cas-là, parce que voilà, enfin, ouais. Mais c'est juste pour savoir, parce que peut-être si plusieurs portent plainte, ça peut peut-être aider. À fond, aussi. À fond. L'idée, c'est aussi souvent, les médias sont un peu frileux en fait, et procès comme celui-ci, l'idée c'est de faire bouger aussi cette frilosité. Et donc, pour terminer, peut-être tu peux rappeler qu'il y a un rassemblement, mais il y a aussi un débat en ligne. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un débat ce soir en direct sur Zine TV, zintv.org, avec le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, Ricardo Gutiérrez, et Pierre-Arnaud Perutli de la Ligue des droits humains, et des membres de Zine TV pour rappeler que l'action policière est un droit. Donc, il y a un petit débat qui devrait durer entre 1 heure et 2 heures, notamment aussi pour parler de ce qui se passe en France avec la loi sur la sécurité globale et comment ça risque de nous impacter sur le long terme. Et il y a un rassemblement demain avant le procès à 12h30 place de l'Albertine, avant le début de l'audience, pour parler à nouveau à la fois de ce qui se passe en France et re-questionner la possibilité de filmer la police sans se faire arrêter. Ok, d'accord, merci, à demain. Et pour les auditeurs et auditrices, parce qu'on va diffuser ça ce soir, il y a moyen de revisionner ce débat sur ZineTV.org après aussi. C'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Exactement. Bien, merci, bonne continuation, et merci pour ouais, faire merci. Ça. Ouais, merci. Salut. Ben voilà, ça c'était Thomas de ZineTV, il a un peu expliqué de tout. Mais je voulais juste encore ajouter quelque chose, c'était que la dernière audience, si j'ai bien compris, c'est le 25 janvier 2020. Le parquet demande un non-lieu pour un des policiers et un renvoi en correctionnel pour le deuxième, avec pour motif de s'être introduit dans un système informatique et d'avoir effacé les données, en l'occurrence des images. Dans ce contexte où la violence policière se banalise vis-à-vis des personnes fragilisées sans papier et de celles et ceux qui hébergent solidairement ou qui filment pour témoigner, et plus globalement de tous ceux qui sont actifs au sein des mouvements sociaux, il est plus que nécessaire de rappeler que filmer l'action policière est un droit, que ce soit un cinéaste, photographe, journaliste ou tout simplement citoyen témoin d'une action policière. Donc ça ne concerne pas uniquement la presse, mais tous les citoyens en situation de filmer la police dans ses interventions. Et donc c'est pour ça aussi, demain, c'est important d'y aller, de soutenir ce procès. Ce n'est pas que pour Zine TV, mais c'est aussi pour vous, pour votre droit d'aller filmer les actions policières et pour vous défendre. Et donc, comme il a bien dit dans le reportage, donc filmer la police est un droit, mais il faut rassembler des preuves, au cas où il y a des choses qui se dérivent. Donc normalement, sauf exception, toute intervention policière peut être filmée, photographiée ou enregistrée, à l'aide d'un smartphone par exemple aussi. L'enregistrement audio peut également constituer comme preuve. Si la police procède à l'effacement d'images ou de vidéos ou la confiscation du téléphone, vous avez intérêt à signaler votre désaccord, à recueillir les preuves pour réagir éventuellement par la suite. Vous pouvez toujours transmettre ces images à la presse ou aux autorités judiciaires. Si vous désirez les diffuser sur Internet, il est préférable, mais pas toujours obligatoire, de rendre les policières non identifiables, donc floutage, bandeau et tech, pour respecter le droit à l'image des policières, droit incontestable, mais qui n'est pas absolu, et donc parfois s'effacer devant la liberté d'information. Voilà, c'était un peu pour ce sujet-là. Et on va terminer ce sujet avec une chanson de Usual Suspects, Boys in Blue. Mr. Officer. If you can't trust the police, who can you trust? Ouais, c'est dommage, des concerts, il n'y en a plus trop. Et en plus, Use the Suspect, ils ont déjà arrêté quelques années. C'est un groupe punk de Leuven. Voilà, donc on arrive à vendredi... on arrive à la prochaine sujet qui est un peu la Journée internationale des migrants, qui va se passer le vendredi le 18 décembre. C'est quoi cette date? Bon, la date a été choisie par l'ONU et commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de toutes les travailleurs migrantes et des membres de leurs familles. En quelques chiffres, état des lieux de la situation mondiale en 2020. 80 millions de déplacés, dont 30 à 40 millions d'enfants. 4,2 millions de demandeurs d'asile. Le nombre de déplacés a doublé en 10 ans. Les causes en sont multiples. Persécution, conflits, violation des droits humains, misère et faim, changement climatique. Initiée par l'ONU, la Journée internationale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés et sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux, en profitant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Elle a pour objectif d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Les migrations sont une réalité incontournable. De nombreuses raisons amènent des gens à se déplacer, que ce soit pour étudier à l'étranger, rejoindre des membres de la famille, chercher un emploi ou des moyens de subsistance ou assurer un meilleur avenir à leurs enfants. D'autres quittent leur pays pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, l'insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement ou encore la pauvreté. Pourtant, les routes migratoires sont de plus en plus dangereuses, souvent mortelles. Il y a eu plus de 700 disparus en Méditerranée ces derniers mois, des milliers de personnes renvoyées en Libye, et soumis là-bas à des persécutions ou réduits en esclavage. Pour ce vendredi même, je n'ai pas vraiment trouvé des annonces d'action ou rassemblement. Il y aura une vidéo qui sera présentée sur les réseaux sociaux concernant la régularisation des sans-papiers via la plateforme Soutien à sans-papiers. Je veux lire le communiqué de presse de 18 décembre 2020. Si les personnes sans papiers ne sont pas régularisées, c'est toute la société qui se prive de leurs compétences. À l'occasion de la Journée internationale des migrantes, les associations, groupes et collectifs réunis au sein de la plateforme Sans Papiers ont réalisé une vidéo. Ce clip illustre la précarité dans laquelle ces personnes vivent, malgré les compétences professionnelles dont elles disposent et dont toute la société est privée, par le refus des autorités de les régulariser. Comme celle qui témoignent dans la capsule vidéo, de nombreuses personnes étrangères vivent ici depuis de longues années dans une grande précarité, situation qui est contraire à l'état de droit et dont on ne peut détourner les jeux. Leur non-statut administratif de sans-papiers occulte des situations qui sont la conséquence de l'absence d'une politique migratoire réelle et adéquate et d'une législation parfois contradictoire. Elles sont diplômées, elles et ou expérimentées dans des secteurs parfois en pénurie. Même lorsqu'un employeur en Belgique désire les engager rapidement, un permis de travail leur est refusé, parce qu'elles sont sans papier. La loi leur impose, en dépit du bon sens, de détourner dans leur pays d'origine pour y solliciter le permis sans aucune garantie de l'obtenir. Elles sont donc, pour survivre, contraintes au travail en noir et soumises à toute forme d'exploitation qui aggrave le phénomène de précarisation du marché du travail et plus largement de la société dans son ensemble. En outre, de nombreuses personnes sans papiers originaires des pays en guerre, mais n'ayant pas obtenu l'asile en Belgique, ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine sous peine d'y subir des traitements inhumaines et dégradantes. D'autres sont confrontés à l'irrégularité de leur séjour alors qu'elles travaillent, parfois depuis des années, que leurs enfants sont scolarisés et que tous leurs liens économiques, sociaux et affectifs sont en Belgique. Rompre ces attaches durables pour leur enjoindre de retourner dans un pays d'origine parfois plus ou peu connu méprise ces liens indéfectibles. D'autres encore sont gravement malades. Les soins médicaux qui leur état impose ne sont parfois pas disponibles ou accessibles dans leur pays d'origine, de sorte qu'elles ne peuvent y retourner. À défaut d'avoir pu produire un document d'identité, comme l'exige la loi belge, Leur situation médicale n'a pas été examinée et elles restent en situation irrégulière, malgré leur impossibilité médicale de quitter la Belgique. Ces situations humaines ne trouvent aujourd'hui pas de réponse dans la législation. Les conditions de délivrance des titres de séjour doivent être objectivées. Nous ne pouvons accepter que ces personnes vivent à nos côtés avec nous sans droit et dans une précarité indécente. Ils et elles ont une formation, une expérience professionnelle. Ils et elles veulent travailler et sont immédiatement disponibles. Pourquoi ils et elles ne peuvent pas travailler? Si ils et elles ne sont pas régularisés, c'est toute la société qui se prive de leurs compétences. Peut-on se le permettre? Et donc ceci a été signé par plein de signataires. La coordination des sans-papiers de Belgique, la voix des sans-papiers de Liège, de Bruxelles, le collectif Latino-Americanos pour la régularisation, collectif d'Afghans sans-papiers, comité des femmes sans-papiers, la voix des sans-papiers Verviers, sans-papiers TV, collectif formation société CFS, ASBL, bureau d'études des sans-papiers, collectif liégeois de soutien sans-papiers, comité de soutien à la voix des sans-papiers de Liège, groupe Montois de soutien aux sans-papiers, collectif Vervi-Viétois de soutien aux sans-papiers, collectif Charleroi Solidarité Migrante-Migrante, CRACP, CIRE, MRAX, Vie Féminine, Réseau ADES, Amitié Sans Frontières, FCTB AVVV Bruxelles, FCTB Wallonne, CEPAC, MOC, Migrants, CSC. Et voici la vidéo qui circule aussi sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Farouk. Je suis Bintou Touré. Bonjour, je m'appelle Aline. Je m'appelle Farid. Bonjour, je me présente Tariq, j'ai 40 ans. Je m'appelle Marin. Bonjour, je m'appelle Ndo. Bonjour, je suis Nathalie. Je viens de la Guinée. Je suis syrienne. Je suis d'origine béninoise. Je suis afghane. Je viens de la Colombie. Je suis d'origine marocaine. Ça fait presque 7 ans que je vis ici en Belgique. Je viens du Vietnam. Je suis brésilienne. J'ai une formation de physiothérapie et massage. Je suis infirmière. J'ai obtenu mon diplôme ici à Liège. Je suis institutrice de formation. J'ai un diplôme, une droite. Et aussi, je travaille en crèche en Syrie. Je suis depuis presque 10 ans en Belgique. J'ai beaucoup travaillé dans le bâtiment. J'ai une expérience de 10 ans dans les call centers. Je suis cuisinier et je suis passionné par ce métier. Je suis couturière. Je veux me rendre utile, je veux travailler, je suis très motivée. J'ai toujours travaillé en Syrie. Je voudrais travailler en Belgique aussi. C'est très important, très important pour moi. Je suis responsable. Travailleur et conscientieux. Je veux travailler et je veux apporter ma contribution à la société. Je veux travailler maintenant, tout de suite. Je veux travailler. Je suis disponible et motivé. Aujourd'hui, je suis motivé et disponible pour travailler. Je suis motivé. Je suis disponible. Je suis disponible. Tout de suite. Je suis prêt pour travailler, je suis motivé. Même si c'est demain, je peux commencer demain. Le plus important, c'est que ça aide la population. Et que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a quand même un événement le 20 décembre, le dimanche, à l'église de Béguinage, à partir de 16h. Ce sera un événement politique, poétique et musical sur le thème d'un travailleur migrant dans l'église. Et cet événement sera aussi dédié à Serge Noël, qui était décédé le 17 octobre dernier et qui a lutté toute sa vie pour la cause des migrants, sans papier. Le titre « Vivre comme un être humain » est tiré de son œuvre. Il y a plusieurs gens qui vont prendre la parole, et donc il y a des poèmes et de la musique. Et tout ça continue jusqu'à 18h, si j'ai bien compris. Mais à part de ça, parce que cette journée-là, bon, elle existe, mais il y a toute l'année, heureusement, des rassemblements et des actions concernant cette thématique, ou la thématique de migration en général. Donc, on va faire un retour à la manif de sans-papiers qui a lieu le lundi, le 14 décembre à midi à Place Saint-Jean. C'est aussi un manif pour la régularisation des sans-papiers, plus spécifiquement via un permis de travail. Mais tout sera, ça sera expliqué dans ce reportage qui durera quand même 20 minutes. Et on remercie déjà en avance aussi Sans-Papiers TV, et spécialement Doudou qui était sur place, parce que j'ai repris à la fin de cet reportage une partie de Sans-Papiers TV. Et voilà, et aussi Sans-Papiers TV a besoin de soutien et des dons. Mais ça, vous entendez aussi dans ce reportage. Bonne écoute. Oui, bonjour, on est ici à Place Saint-Jean à Bruxelles. Et il y a une manifestation pour la régularisation des sans-papiers. Mais spécialement aussi, vous demandez d'avoir le droit de travail, c'est ça? Le droit de travail, un permis de travail, parce que là, on ne sait pas travailler. Donc, s'il y a un travail au noir, c'est une exploitation, c'est une concurrence avec le marché de l'emploi aussi. Les exploiteurs, les patrons exploiteurs vont faire une concurrence. Comme ça, ils profitent, mais la Belgique ne profite pas de ces travailleurs sans papier. Donc, ils doivent travailler au noir pour subvenir à leurs besoins vitaux, payer le loyer, survivre. Et aussi, ils participent à la caisse nationale, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, nous, on cherche le droit chemin. On cherche à travailler, contribuer, tout ça, participer aux contributions, tout ça. Mais non, maintenant, ce n'est pas possible. Personne ne nous entend. Donc, il y a des gens ici qui sont là, qui ont des métiers en pénurie, que la Belgique veut couvrir. Donc, on peut se former. Accès à la formation, ce n'est pas possible. Il y a des gens formés déjà, tous les métiers en pénurie sont là. Mais la Belgique n'en profite pas et on ne nous laisse pas travailler, subvenir à nos besoins, on meurt. Ce que fait la politique migratoire maintenant, c'est donner un acte de décès au sans-papiers. On est là, on est bloqué, on ne sait même pas, donc par rapport au confinement, ils ne savaient même pas si on pouvait manger. Donc on a pleuré pour manger, on a pleuré. Et il y avait quelques soutiens belges, on les remercie par la même occasion. Mais on doit respecter les mesures gouvernementales, ça il le faut. Mais avoir un positif par rapport au confinement, on ne savait pas. Donc on était bloqués. Et pourquoi? Pourtant on sait travailler. Nous on ne demande pas d'être régularisés comme ça et rester en paix. Non, nous on cherche à travailler ou à se former et couvrir tous ces métiers en pénurie qui sont en Belgique. Pourquoi aller chercher d'ailleurs alors qu'on est ici déjà? Un retour, c'est pas possible. Un retour, on est venu pour plusieurs raisons du pays. Économiquement, des problèmes familiaux, ou alors justement pour subvenir aux besoins des parents, parce que la crise dans nos pays, elle est bien là. Donc on est venu ici, et on est ici depuis plusieurs années. Vous pensez qu'on va faire un retour? On a nos attaches ici, on a fait notre entourage ici. Revenir là-bas à zéro, on ne sait pas quoi faire, mais on souffre vraiment, c'est un désastre pour les sans-papiers, voilà. Oui, je voulais juste emmener encore une question, parce qu'il y a plein de bruit ici. Ouais. Parce que le gouvernement belge, ils savent que vous êtes en train de travailler, donc ils profitent aussi un peu de travail en noir que vous devez faire pour survivre. Oui, ouais. C'est les exploiteurs qui profitent, c'est pas nous. Mais ouais. L'État aussi profite, parce que pourquoi? Ils profitent quand même, et on participe à la cotisation, on participe déjà, d'une manière ou d'une autre, même si on ne travaille pas. On travaille au noir, mais notre argent passe aussi, parce qu'on doit payer des choses, on doit payer le loyer, l'électricité, on paye la STIP pour bouger, donc ça c'est des contributions aussi qu'on paye, vous voyez. Donc, mais il y a des personnes qui ne travaillent pas du tout. Ils ont le métier en pénurie en main, mais ils ne travaillent pas, ils ne savent pas trouver du travail. Mm-hmm. Et alors ils meurent de faim. Ils ne savent pas payer un loyer, ils sont dehors. Vous voyez, donc ça, c'est une politique. Depuis des années, il n'y a pas eu une ouverture. Nous, on ne cherche pas une régularisation massive, non, on dit cas par cas, bien sûr, mais selon ce que la Belgique demande. Et on est là, on peut le faire. Déjà, la langue, on l'a. On peut parler, on peut communiquer. On peut... Déjà, moi, je fais l'accompagnement social aussi. Donc, c'est un plus pour la Belgique, je pense. Vous voyez, on est dans les associations, on donne des cours pour l'intégration et tout. Mais voilà, personne ne voit ça de cet œil-là. Et Louis n'est pas fine par rapport à l'État, au gouvernement. Donc, voilà. Ça, c'est une politique qui nous met vraiment dans un étau. Et on ne sait pas quoi faire. Et aujourd'hui, c'est déjà plusieurs manifs que vous avez fait cette année. Et donc, est-ce qu'il y a eu des échos Vous avez eu des échos quelque part Nous avons une rencontre avec M. Sami Mahdi par rapport au 18, le 18 décembre, la journée de la migration. Donc on ne sait pas encore. On est tellement découragés qu'on ne sait pas faire. Vous voyez, il y a moins de monde parce que voilà. Et puis la peur dans l'âme aussi, la peur dans le ventre. On a peur des policiers, on a peur que ça tourne mal. Oui, que les rassemblements ne sont pas... Par exemple, moi, j'ai dû arrêter mes cours parce qu'il y avait le couvre-feu. J'ai dû arrêter mes cours. Donc, le couvre-feu, je n'arrive même pas à aller rentrer chez la dame avant 22h. C'est les cours en soirée. Oui, oui. Vous voyez, donc, je n'ai pas su le faire. Je le fais par WhatsApp pour ne pas laisser les gens tomber. Voilà. Parce que là, dans les cours, dans les associations, il n'y a pas que les sans-papiers. Il y a des gens qui sont intégrés, qui sont ici depuis des années. Ils n'ont pas la langue française ou alors néerlandaise. Donc, on les aide à pousser un peu. Voilà. Oui. Bon, oui, j'espère qu'il y a quand même un peu plus de soutien. Ici, aujourd'hui, c'est organisé par qui cet rassemblement ici? C'est plusieurs collectifs? C'est des collectifs de victimes de 2009, les collectifs aussi de l'OM et les collectifs des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Ah ouais. Et la voix des sans-papiers aussi. Ils sont tous là, presque tous. Hein. Voilà, c'est pour lutter. J'espère qu'on va nous entendre, qu'on va nous écouter. Mais là aussi, on cherche partout, on frappe à toutes les portes. Il y a eu des propositions de motion de la part des communes qui acceptent une régularisation et surtout par rapport au Covid, le Covid-19. Donc voilà, s'il y aura un Covid-20, ça sera un grand désastre pour nous, parce que vraiment, le Covid, le corona a touché tout le monde, hein, les Belges, à l'échelle internationale. Mais par rapport à nous, pour circonstances exceptionnelles et aussi les droits humains, donc on n'a pas eu ça, on a sonné la norme, on n'a pas eu gain de cause. Donc, restez là, respectez les mesures et c'est tout. Ce qui vous arrive, c'est vraiment oublié par l'État, c'est ça? Voilà, survivre, ignorer, complètement ignorer. Donc, on n'est même pas visible. On est visible là où si on ne respecte pas une mesure, là on est visible. On n'avait même pas les masques, donc il ne faut pas sortir, il ne faut pas s'amuser à sortir. Aussi par rapport pour l'actif, là aussi, donc, il faut une carte bancaire, parce que la mesure disait qu'il ne faut pas utiliser l'argent. Ah oui. Là, on ne savait pas le faire. Donc, puisque c'est comme ça, les mesures, c'est à respecter, mais est-ce que les mesures sont là pour qu'on respecte? On ne peut pas respecter comme ça, mais on le fait, parce qu'il faut vraiment... Oui, mais vous n'avez même pas accès à certains droits, donc vous n'avez même pas accès à... On respecte les mesures gouvernementales, mais seulement, il n'y a pas une ouïe fine. Mourir de faim, ça, si vous êtes venu ici, mais oui, on est venu ici pour régler des problèmes économiques, pour des problèmes, je ne sais pas, pour avancer. Mais on ne veut pas rester là. Nous, on veut travailler justement. On veut travailler, on va avoir accès au travail. Il y a des hommes qui savent travailler. Il y a des femmes aussi qui ont des diplômes. Vous voyez ici, il y a une couturière qui travaille, mais qui travaille n'importe quoi maintenant. Ils sont exploités par tous les patrons. Mais pourquoi pas la Belgique? Pourquoi pas? Elle ne profite pas de tout ça. On est déjà là. Pourquoi importer la main d'œuvre? Pourquoi importer d'autres personnes qui viennent travailler ici alors qu'on est là? On ne demande que ça. Vous voyez, donc, voilà. Et il y a des gens que ça a perduré, donc il y a des gens qui ont une vingtaine d'années qui sont ici. Psychologiquement, ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il a peut-être même oublié sa famille. Et il avait toujours envie d'aller voir sa famille, mais maintenant, c'est plus. Il ne sait plus le faire. Il ne sait plus téléphoner pour garder le contact. Il n'y a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour téléphoner. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui sont ici. Ils n'ont même pas des téléphones pour faire des applications gratuites. Je donne cours par WhatsApp. Il y a des personnes qui me disent, on n'a pas Internet. On n'a pas Internet. Donc, je donne cours à des personnes qui ont Internet. C'est une injustice comme ça. Et les autres, bah, on laisse tomber. Et ça, je ne sais pas faire. Je leur téléphone moi-même pour avoir le contact. Mais nous, on cherche quelque chose de sérieux, sérieux. On ne va pas rester là pour manger. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous arrange pas. Et s'il n'y avait pas aussi par rapport au confinement qui était dur et sévère, s'il n'y avait pas des soutiens de la part des Belges, on serait déjà mort. On serait déjà mort. De faim, de faim. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous avez une autre question, je réponds. Vous avez une autre question? Non, merci. Non beaucoup, vraiment merci beaucoup. La solidarité doit être aussi se manifester, doit être aussi dans les manifestations et montrer qu'on est là. Et une autre chose, c'est que nous, en tant que sans-papiers, on travaille, on apporte quand même beaucoup à ce pays, mais c'est honteux parce que tout le temps, il y a des travailleurs qui meurent dans le travail. Et ils sont traités comme de la merde, vraiment comme de la merde, comme s'ils si n'existaient pas. Alors la régularisation, elle se reste vraiment un cas nécessaire. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu le cas de quelqu'un qui est décédé et la famille, elle est restée comme ça, larguée. Il faut penser qu'on doit vraiment lutter pour notre régularisation en pensant à nos enfants, à notre famille, parce que si jamais il y a quelque chose qui nous arrive, il n'y a personne qui va regarder envers nous. Alors soyez ici dans le terrain, une fois qu'on fait des manifestations, venez, n'ayez pas peur, venez manifester parce que c'est comme ça qu'ils vont nous voir, et c'est comme ça qu'ils vont voter pour la loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ik ben zo heet dat. Ik ben hier 20 jaar in België. 20 jaar? Ja. Wow. Ja. Dat is enorm lang. Dat is echt... Ja, ik heb... Normaal, ik ben getrouwd. Normaal, ik heb papier. Ja, ik heb... je had papier? Ja, 10 jaar papier. 15 jaar had je papier? 10 jaar 10 papier. Papier. Papier. Ja. Ik ben werken... Gewoon met 10 jaar, ik werk nooit naar DOP, nooit naar Soindi. Ik heb gescheiden. Normaal, altijd drinken, niet goed. Slecht, mag niet met hem blijven. Ja. Ik heb gescheiden. Je suis Subida. Je suis ici depuis 20 ans. J'étais mariée à un homme et j'avais des papiers. J'ai eu 10 ans de papiers et j'ai travaillé aussi ces 10 ans. Je n'ai jamais fait appel au chômage ou au CPS. J'ai divorcé de mon premier mari parce que mon mari buvait toujours. Je ne pouvais pas rester avec lui. Ce n'était pas bon. En dan, ik trouw andere man. Zegt ja, waarom ga je trouwt? Deze trouw, dat is niet echt. Maar geen bewijs. Ze zeggen dat het geen huwelijk is. Ja, geen bewijs. Ik ben niet... Ik ben echt getrouwd. En dan mijn kinderen nu. Of... Met papier, school, nu zonder papier, kinderen zonder papier. Ik ook nu 5 jaar zonder papier. Dat is moeilijk voor mij. Twee kinderen en ik alleen. Zeg terug naar jouw land. Ik heb niks in mijn land. Et puis j'ai épousé un autre homme, mais ils m'ont accusé d'une fausse mariage. Ils m'ont dit que je n'étais pas vraiment mariée. Mais j'étais mariée. Mes enfants avaient des papiers et allaient à l'école. Mais maintenant, ils sont aussi sans papiers. Et moi aussi, je suis maintenant 5 ans sans papier et j'ai 2 enfants. Et puis, ils me disent de retourner dans mon pays. Tu veux demain ook gescheiden? Oui. Ik heb geen X in Marokko. Ik heb geen huis. Familie. Alles hier. Ja, mama, mijn broers, mama, zus. Alleen mijn zus, maar getrouwd. Iemand gaat werken voor mij. Dat gaat niet. Maar mijn kinderen. 10 places pour mes enfants. Dus België, dat is mijn familie, geen familie in Marokko. Dat is erg. Amai, maar ook voor... Dus ook je kinderen zijn papierloos geworden. Nee. Nee, die zijn ook, die hebben hun papieren... Nog vroeger had papieren, ja. Maar nu niet meer. Ook niet meer. Je suis également divorcée de mon deuxième mari. C'est lui qui est parti. Je n'ai rien au Maroc. Je n'ai pas de maison là-bas, pas de famille. J'ai tout ici. Ma mère, mes frères et mes sœurs, mais ils sont tous mariés. Et personne ne peut travailler pour moi, c'est pas possible. Pour mes enfants aussi, leur place étant ici en Belgique. Ils n'ont pas de famille en Maroc, seulement en Belgique. Avant, mes enfants avaient des papiers, mais maintenant, ils n'en ont plus non plus. Nee, meer ja. Zegt mama, ja, wanneer? Waarom ik hier geboren? Ik ga naar mama naar Marokko. Zegt ja, mama, België, ik moet terug. Nee, mama, ik ga niet naar Marokko. Dit is mijn land. Ik ga naar mama praten met iemand anders in Marokko. Ik heb hier vrienden. Ik heb best school. Ik heb best juffen. Ik ga niet. Ik heb allemaal hier. Mes enfants disent, maman, je suis née ici, je ne vais pas au Maroc. Oui, mais la Belgique dit qu'il faut retourner. Oui, mais maman, je ne veux pas quitter la Belgique, c'est mon pays. Je ne vais pas au Maroc avec d'autres personnes d'autres. J'ai mes amis ici et je vais dans une bonne école et j'ai des bonnes profs. Je n'y vais pas là-bas, j'ai tout ici. 8 ans, wat moet ik gaan naar Marokko terug? Dat ga niet. Vroeger, ik heb altijd echt waar, ik nooit naar dop. Mensen werkt 1 jaar, ik ga naar dop. Mensen, ik niet, nooit, altijd werken, altijd. Ik krijg nu werken voor mijn kind. Het is uw recht, hè? Allee, je mocht op de dop gaan als je werkt. Dat is een van de rechten. Ik werk 10 jaar bij ISS. Je kent ISS. ISS? ISS, ja. Schoonmaken. Scholen. Scholen, controlecentrum. Ik altijd werken. Altijd. Après 20 ans, qu'est-ce que je vais faire en Maroc? Je n'ai jamais fait de demande de chômage. Souvent, les gens demandent après un an de chômage. Mais moi, j'ai toujours travaillé pour mes enfants. C'est votre droit de demander l'allocation de chômage si vous êtes au chômage après avoir travaillé longtemps. Connaissez-vous le ESS, ceux qui font le nettoyage dans les écoles, les centres sociaux? Moi, j'ai toujours travaillé là-bas. Maria, zegt ja, schijnhubelijk, maar niet schijnhubelijk. Ik ben getrouwd, maar niet goed, ik ben gescheiden. Waarom ik ga blijven met hem? Ga drinken. Ik betaal alles. Waarom ik ga met hem blijven? Nee, dat is voor u eigenlijk ook gevaarlijk. Allee, ja, dat is heel gevaarlijk. Ja. Mm-hmm. Oké, dat is alles, mevrouw. Oh, maar oké, dank u. Maar soudain, on dit que mon mariage était fausse. Et c'était pas le cas. J'étais en effet déjà mariée avant, mais ça ne s'est pas bien passé, et puis j'ai divorcé. Pourquoi devrais-je rester avec lui? J'ai tout payé, il a continué à boire. Merci, madame, c'est tout. Bonjour. Tu vois, tu es du MOC, c'est ça? Je suis du MOC de Bruxelles, oui. Ok, donc c'est vous qui avez organisé cette action, n'est-ce pas? C'est le comité des travailleurs sans papiers de la CEC de Bruxelles à laquelle on collabore. Oui. Ok, et pourquoi cette action d'aujourd'hui? Eh bien, on pense qu'il faut, évidemment, la demande des collectifs de sans-papiers, c'est la régularisation, et c'est ça qu'on veut, mais les sans-papiers sont aussi des travailleurs et des travailleuses, et à ce titre-là, ils ont droit au respect des droits sociaux, et donc on est là parce que ces droits doivent être respectés. Aussi parce qu'on pense que le travail est une des façons de rentrer dans la régularisation. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que tous les travailleurs doivent avoir le respect de leurs droits, parce que si tous les travailleurs n'ont pas le respect de leurs droits, alors tous les travailleurs perdent des droits. Et donc, si aujourd'hui, sur un site de construction, on peut faire monter un sans-papier sur un échafaudage pour 3 euros de l'heure, sans protection, sans casque, si jamais il tombe, on le jette quelque part et on s'en occupe plus, bah ça met en danger les conditions de travail de tous les travailleurs. Et donc, la solidarité, c'est le cœur de ce qu'est le syndicalisme, c'est le cœur de ce qu'est le mouvement ouvrier. Et donc, au nom de cette solidarité, on demande un permis de travail. Un permis de travail pour que les sans-papiers puissent travailler à des bonnes conditions, dans le respect de leurs droits. Un permis de travail pour qu'ils puissent contribuer, comme ils le souhaitent, à la société belge, dont ils font partie. Ils sont en Belgique et donc ils font partie de la société belge. Ils doivent pouvoir avoir accès à tous les droits et c'est au bénéfice de tout le monde. La pandémie l'a bien montré. Aujourd'hui, les travailleurs sans papiers, ils ont droit à rien. Donc, ça veut dire quoi? Même quand on est malade, on va travailler parce qu'on doit payer le loyer, on doit acheter à manger. Et donc, à ce moment-là, on met en danger sa santé à soi, la santé de ses collègues, la santé de sa famille, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et donc, la bonne politique publique, la politique qui va défendre les intérêts du plus grand nombre, la santé de tout le monde, c'est de régulariser les sans-papiers. Et donc, notre message au gouvernement régional, dont le boulot, c'est la politique de l'emploi, c'est donner un permis de travail et faites pression sur le gouvernement fédéral. Son boulot, c'est le permis de séjour, pour qu'on donne des permis de séjour aux travailleurs sans-papiers qui ont un travail et qui en ont besoin, tous les travailleurs sans-papiers. Et en fait, en tant que membre d'un syndicat, il y a un activiste qui avait proposé qu'il y a des métiers en pénurie. On peut former les sans-papiers pour qu'ils occupent ce poste-là. Qu'est-ce que vous dites en tant que syndicat, parce que vous avez cette relation avec activiste? Vous pensez que ce n'est pas une solution? Avec quoi on peut commencer? Si, donc je pense qu'il faut tout faire, il faut tout commencer, mais il y a quand même une réalité, c'est que si on forme les travailleurs sans papier au métier en pénurie, après il faut leur donner un permis de travail. Et donc les deux vont ensemble. Donc nous, évidemment, si Actiris, et on fait pression sur Actiris pour qu'il le fasse, si Actiris ouvre ses formations, les formations en région bruxelloise aux sans-papiers, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on fait un premier pas pour que les travailleurs et les travailleuses sans-papiers rentrent dans le système du marché du travail bruxellois. Mais s'il n'y a pas de permis de travail derrière, on va juste former des gens pour qu'ils aillent travailler dans des conditions dangereuses, mal payées, etc. Pour les travailleurs dans la construction, par exemple, qui regarderaient cette vidéo, on a des membres du comité qui travaillent pour 5 euros de l'heure à placer des plaques de gyproc. Bah, évidemment, vous avez toujours trouvé un entrepreneur qui va préférer engager quelqu'un à 5 euros de l'heure. Et alors quoi? On va le former pour qu'il aille travailler à 5 euros de l'heure? Non, il faut un permis de travail et surtout le permis de séjour sur base de critères clairs et permanents. Il faut la régularisation des sans-papiers aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. C'est très, très gentil. Hein. Et merci, les gens des sans-papiers. Merci à vous, regardant. Merci à vous et bonne lutte. Merci. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook et suivez-nous partout et soutenez aussi Sans Papier TV parce qu'on fait des actions pour la lutte et on a besoin de soutien. Donc, va sur notre page et vous allez voir comment vous pouvez nous soutenir. Merci beaucoup à tout le monde. Et pour qui? C'est pour qui? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité, du respect, un bout de papier. On loue la main, on loue la main, on loue la main. Des préfectures et des préfus, des avocats. Yeah. Ben voilà, il y en a marre. Bon, je ne sais pas de qui je chante ça, mais voilà. On connaît la chanson aussi dans la manif. Et maintenant, ce week-end passé, il y a aussi eu une petite action contre les centres fermés, plus particulièrement à la Caricole et centre 27 bis, et plutôt aussi en soutien des détenus, des migrants là-dedans. Et je vais vous lire un peu comme introduction le texte qui a été publié sur Indymedia de cette action. Et après, on a un petit reportage, et après, je continue un peu le texte de cette action. Donc, ça commence avec ce 13-12. Dimanche, c'était 13-12. Et plusieurs militantes sont venues soutenir les personnes enfermées au centre fermé Caricole et 127 bis. De nouveaux gris s'érigent autour des centres et isolent encore davantage les personnes détenues. Les militantes craignaient en effet de ne plus pouvoir accéder à certains parties des centres et donc perdre toute possibilité de contact avec les prisonniers et prisonnières. À l'intérieur aussi, la répression semble s'intensifier. Une répression qui bride les paroles des détenus qui témoignent vers l'extérieur. Il est pourtant primordial de pouvoir maintenir le contact afin de les soutenir dans leur lutte et relayer leurs paroles hors des murs. On va écouter un peu l'action même, comment ça s'est passé sur place. Si vous voulez raconter et témoigner de ce que vous vivez à l'intérieur du centre, vous pouvez appeler le numéro 0 4 6 5 2 4 2 4, 3, 0, liberté, freedom, Ouria. Oui, quelqu'un, oui. Oui, il y a deux personnes là. C'est des gardiens. C'est des gardiens, ils ont des... Et toi qui vois qui? C'est des gardiens, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils sont plusieurs maintenant. Maintenant, collabore. Là, il y a quelqu'un derrière. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Oui, ici peut-être. Si vous voulez témoigner de ce qui se passe à l'intérieur des centres. Oui, ils sont plutôt ici. Ils sont plutôt là, ici. Vous pouvez appeler le 0 4 6 5 2 4 2 4 3 0. C'est un maton ou pas? Non, c'est un migrant. Ouais, mais c'est un maton. Courage! Ah, c'est un maton. Il a son badge ici. Oui. Il a pas des badges, les gens. Il a des. Non, voilà. Ouais, je sais pas, il a un badge de toute façon. C'est hyper perturbant. Ouais. Tu vas rien avec la lumière, le mot is 0, 4, 6. Mais là, il y a quand même aussi des gens, mais ils ont tous des badges. 4, 2, 4, 3, 0. Liberté! Freedom! Ouria! Liberté! Freedom! Ouria! Liberté! Freedom! Ouria! Ouais, ça résonne! Brique par brique! Mur par mur! Détruisons toutes les prisons! Mur par mur! Oui. Détruisons toutes les prisons! Les flics sont là. Hello! We are here to support you! No border! No nation! Stop deportation! No border! No nation! Stop deportation! You can call us to tell what's happening inside the center! The number is 0! I'm going to go here. I'm going to go here. I'm going to go here. Nation! Stop deportation! Freedom for all! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Libérez! Libérez! Liberté! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Courage! We don't forget you! Yes, there is somebody else who will answer you. I know, everybody needs freedom. Everybody needs the right to be free. Yeah, freedom! Freedom is not good! I need freedom! Freedom! Freedom! We are with you! Believe! Believe! How many times are you here? 14 days! 14 days! 5 months? Wow. 5 months! Probably nothing! Liberté, freedom, Ouria! Liberté, freedom, Ouria! Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons! Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons! Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons! Il y a un autre gars qui est là, où ça? Juste là, mon gars. Was ich eigentlich meine, es liegt no one behind und nicht deine Langeweile. Nerv mich nicht mit deinen Luxusproblemen, man braucht erst mein Zuhause und kann dann in Quarantäne. Alle Grenzen sind jetzt dicht auf diesem Planet und sich abgrenzen zu können, ist ein Privileg. Ja. Solidarität international und nicht Europas Außengrenzen als ein Massengrab. Virus, miroir sinistre d'une société malade de pandémie capitaliste. Quel prix à une vie à la crise climatique. Quand on ferme les frontières pour des intérêts économiques, on parle de solidarité. Mais pour nous, pas pour eux, la quarantaine nous manifeste que le triage est déjà fait. Pour combattre les symptômes, on ignore le problème contaminé par la peur, overdose de nous-mêmes. Αυγή δρόμη, ζωή σε καραντίνα. Πλασάρουνε ασφάλεια, βιτρίνα με στολή. Χάνονται αόρατες ζωές από την άλλη σε κελί. Και δεν μετράνε σε καμία στατιστική. Αγωνών καταστολή και ξεπούλημα της υγείας. Τώρα το χρεώνουν ευθύνη ατομική. Μέτρα ραμμένα για μια ρωσή στην κοινωνία που τη θένε ανελεύθερη και υποτακτική. Like a mice in the cage. It means I'm all yet to will not be tamed. No survival, working class can't roll. Corporations sucking money and they're getting more. There's a call on the street if the war's on. Military brutalize my people. The revolution will survive, power to the people. I raise my fist up, fighting for my people. Step out, gun, shot, bullets. I trigger to kill us. I trigger to kill us. I trigger to kill us. Bullets. I trigger to kill us. Bullets. Bullets. Humans in this city got to know their status. Sat in dome, standing still. They are cold like statues. Proper minds, stay in lines. News on life, walking by us. Drones patrol the sky. Drones patrol the sky, yeah. Solidarité, so, il faut qu'on soit tous unis. Oui. Menschen für die Pflegekraft. Ihr redet von Solidarität im Land, doch wer regelt denn mit Peter Arzt den Regelbedarf? Sterbende Menschen an Grenzen mit Stacheldraht, deine Upper Class aufgebaut auf einem Massengrab. Ich bin nicht immun gegen die Krise, doch voll Tatendrang für Gegenmacht weltweit in der Nachbarschaft. La Solidaridad se ramificó en continentes. El capitalismo ataca sin precedentes. Hacen de la pre negocio de su gente. Egoísmo falacia, la rabia es permanente. Pero olvidaron que las almas no tienen fronteras. They ran down the public health system, privatized all services. My people are aware it's not in the air. Capitalism, the crisis. It's a system of billionaires, breeding conditions of starvation, sickness and anger. They say it's a lockdown, we call it a knockdown. Cause clearly they don't care, working class livelihoods vanishing into thin air. We declare revolution here and there. So, il faut qu'on soit tous unis. À bas les frontières, les États. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Antinational. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. À bas les frontières, les États. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Antinational. Nous font pas de charité, mais la solidarité. Je continue un peu le texte qui a été mis sur une des médias. Donc, sur le retour, les quelques militantes présentes ont été contrôlées et fouillées de manière abusive et humiliante par les flics. Ils et elles ont également écopé d'amendes Covid, une intervention policière qui ne manque pas de faire le lien avec l'actualité. Donc, dimanche, c'était le 13 décembre, et une date symbolique pour toutes celles et ceux qui subissent la répression et la violence policière, et plus largement pour celles et ceux qui rêvent d'un monde sans flics. Le rôle de l'État dans le bras armé et la police est prégnant dans la lutte no border, du contrôle des frontières en passant par la persécution et l'arrestation des personnes sans papier ou encore des militantes, la police est partout. La violence d'État, la violence des frontières s'exerce au travers de ces pions, de ce flic. En prétextant le Covid, les autorités et policières sous fifre de l'État reçoivent quartier libre pour exercer leur répression et empêcher des luttes et de se poursuivre. Pourtant, les expulsions reprennent, la politique d'asile raciste qu'entretient la Belgique et l'Europe continue à enfermer et à détruire des vies. Jamais ils ne nous écraseront, jamais ils ne nous feront abandonner notre lutte, quoi que cela nous coûte. Ne laissez pas la répression détruire la lutte, no border. Il y a... c'est pas vraiment en lien. Bon, il y a un site web qui s'appelle Getting the Voice Out qui informe les gens sur ce qui se passe dans les centres fermés via les témoignages des détenus à l'intérieur. Et ce site a fait un appel à soutien et à dons parce qu'ils reçoivent énormément de demandes de recharge de téléphone venant des personnes détenues dans les centres fermés. Et leur téléphone est très souvent leur seul contact avec l'extérieur, qu'il s'agisse de famille, d'amis, de leur avocate, ou de faire connaître publiquement leur situation. Mais il y a ce site, je vais aussi le mettre sur le blog de tranjanar.noblogs.org, mais c'est gettingthevoiceout.org. Mais il y a aussi un appel maintenant à soutenir, à donner des dons aussi pour un peu aussi, je pense, des amendes pour quand même pouvoir continuer à soutenir et faire des actions devant le centre fermé. Et si vous avez des amis dans un centre fermé ou si vous êtes en centre fermé, vous pouvez témoigner, dénoncer et téléphoner au 0484 02 67 81. Ces témoignages, parfois ces images, sont à la disposition de toutes pour s'apprendre, diffuser, faire entendre, débattre et lutter. Si vous avez besoin de soutien, vous voulez témoigner ou rejoindre le collectif Getting the Voice Out, vous pouvez écrire aussi à gettingthevoiceout@rise.net. Et avant de passer à la prochaine retour de d'autres manifs qui ont eu lieu le week-end passé, je voudrais quand même encore passer un petit morceau de musique, celui de Asylum, de Combat Wombat. Paranoia take people, lock them up forever on some brute, lethal fear campaign, bureaucratic mental bricks of rhetoric and blame. For the folks off the boat seeking freedom from strikes and human rights, why else would they be risking their life? All I know is it's outrageous. We're courageous. Sons and daughters crossing waters now living in cages for ages, waiting while we conversating, arguing, debating on what's the real Australian or who's just faking or not assimilating more. Who's on the roof, hunger striking to the life of poor? While circle goes berserker with their pepper spray, politicking politicians wishing it would go away, but the issue sustains as long as people do manage to escape the weight of a dictator's boot. To be processed and held hostage by attitudes, we all vote people than less indigenous group, many whom still treated like refugees on their own land. Intervention down under and underhand, it ain't just here, we know it's many places. True. Plenty worse, serving up a racist matrix, claiming case review on an individual basis, feeding prison CEO individual pay slips as days rip to years on the calendar, tension builds and builds till Christmas becomes a Attica. So add it up, we got enough space here to house a bit more action, compassion and less tears before the overseers equating life with the lotto. Indiscriminate, indeterminate, incommunicado be the motto of the policy employed, but that ain't good enough for our future to be enjoyed. How about we take people, welcome them like we would want next sequel, balance like the equinox. The truth is lethal for the ones who want it caged up, placed behind barbed wire, wired up with that same old hate, evil, xenophobic paranoia. Take people, lock them up forever on some root lethal fear campaign, bureaucratic mental bricks of rhetoric and blame. Though we all equal, rarely does it manifest when more people living under mad oppression, fenced in, denied their request, but we get no rest nor for us to protest. Breaks my heart to leave you, I grieve too. Every soul I pass through, they can't come to. In a box watching the clock, cell block, you know I feel you. In a camp waiting a stamp to go, but only where they say so. I know you pray to, you wanna run away too. From the pain, can't explain, we're detained, verging on the insane, the same blood in our veins. Why can't I go, but you still remain? Still remain, still remain. So many people, so many people. I know we're all equal, but the hand of life dealt you skin lethal. I don't wanna leave you to die. Depression, violence, suicide on the inside, behind razor wire teeth, wide red tape, hands tied, souls in limbo, lost in others' lies. These are human beings, can you hear them? Cry. Hate, evil, xenophobia, paranoia. Take people, lock them up behind barbed wire. Liars on a fear campaign. Bureaucratic static keeps us battling the same. Though we all equal, rarely does it manifest when more and more people living under mad duress get left, denied all control. That's what we gon' make the system fold for no more cold. Hate, evil, xenophobia, paranoia. Take people, lock them up forever on some brute lethal. Some rhetoric and blame, though we all equal, really doesn't manifest when more and more people living under mad oppression get held, denied their request in jail, all because they dread their living hell. Bah voilà, ça c'était Combat Wombat avec Asylum. Et maintenant, on va encore faire le retour de deux manifs qui sont passés ce week-end passé. Ben, y a eu au cours d'autres, hein, mais bon, on n'a pas pu être partout. Et maintenant, je vais parler de, dans un reportage de la manif de santé en lutte qui s'est passée le vendredi soir, le 11 décembre à 5h, rue Arlois, à Bruxelles. Je vais juste vous dire comme introduction que leur revendication, c'était pour le retrait immédiat de la loi de délégation des soins, pour plus d'effectifs dans le secteur des soins, pour une vraie augmentation salariale, pour un refinancement structurel de la santé, pour une véritable politique de prévention, pour des mesures sanitaires solidaires. Sans cela, aucune politique de santé publique respectueuse, digne et efficace ne sera possible. La santé est un bien commun et un droit fondamental. Voilà, vous allez entendre un peu plus dans le reportage. Ça commence un peu brut parce que je n'ai pas pu prendre le le premier mot de cette prise de parole, mais voilà, comme ça vous avez de l'ambiance. Vous répondez avec des primes auxquelles tout le monde n'a même pas droit. Là encore, c'est une mauvaise réponse. C'est d'une revalorisation salariale pour tous les métiers du secteur que nous demandons. Des aides logistiques en maison de repos aux étudiantes qui font du faux bénévolat. Des infirmières à domicile à celles des soins intensifs. Des accueillantes en planning familial aux cuisines de l'hôpital. Ces moyens que nous demandons sont nécessaires pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tout le monde. Nous avons aussi besoin d'une véritable politique de prévention. Vous avez construit un système de santé sur le curatif plutôt que le préventif. Ce système, avec le financement à l'acte, favorise la consommation des soins. Aujourd'hui, il pousse à garder une population malade qui consomme des médicaments au lieu de prévenir les maladies. Il faut refinancer la première ligne, soins à domicile, maisons médicales, les mécanismes de prévention. Il faut agir sur les déterminants de la santé, comme le logement, le salaire, et avoir une vision à long terme. Arrêtés, et poursuivre en justice. Si vous, les gouvernants, n'écoutez pas le personnel de terrain, si vous n'écoutez pas les usagers et les usagères, nous nous organiserons, nous crierons plus fort et nous reviendrons pour l'acte 2 de la grande manifestation de la santé et nous ferons grève au printemps. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à changer la logique, à lutter contre ce monde marchand. Et nous ne nous arrêterons que lorsque nous obtiendrons ce qui devrait être la norme, un financement pérenne des soins de santé et sa gestion partagée. Notre lutte est destinée à la victoire, parce qu'elle nous concerne tous et toutes, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est belle. Nous appelons toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre pour renforcer le combat. La Santé en Lutte est un mouvement démocratique, solidaire et déterminé. Rejoignez-nous pour préparer la suite. Vive la lutte de la santé et vive la Santé en Lutte. Merci. En fait, des conditions de travail assez hallucinantes, etc. Et donc voilà, il y a déjà trois écoles qui nous ont contactés. Donc je vais d'abord vous lire un témoignage d'une étudiante de l'école Francisco Ferrer. Enfin voilà, une école qui ne respecte pas bien ses étudiants en tout cas. Donc voilà, j'ai une. L'année dernière, lorsque j'étais en troisième année, nous avons été sortis de stage mi-mars, comme tous les autres étudiants et étudiantes, de soins infirmiers. Nous avons donc raté 7 semaines de stage pour terminer l'année. Cet été, notre école nous a reprogrammé 4 semaines de stage, ce qui fait que nombre d'entre nous n'ont pas pu travailler suffisamment comme jobistes. Beaucoup d'élèves de ma classe avaient l'habitude de travailler l'été afin de gagner de quoi payer le Minervan et les frais de l'année. Car oui, bien que nous ne soyons pas payés lorsque nous sommes en stage, ceci nous coûte abonnement de train, cotes, nourriture, caution pour les uniformes, quand il y en a. Mais là, n'est pas vraiment mon propos. Cette année, nous avons 18 semaines de stage à prester dans divers hôpitaux. Et bien sûr, dans des unités Covid. Nous avons pour habitude de prester 8h30 par jour, soit des semaines de 40 heures. Car dans notre école, la pause de midi ne compte pas comme heure de stage, ce qui n'est pas le cas dans d'autres écoles. Seulement, cette année, nos titulaires et notre coordonnatrice de stage nous ont dit que nous devions faire des journées de 9 heures par jour, pause non comprise. Soit 9h30 par jour, 45 heures par semaine. Et cela sans compter le trajet, le rapport de stage à remettre à la fin de stage toutes les 3-4 semaines, nos différents travaux de groupe et notre TFE sur lesquels nous devons avancer. Nos journées sont interminables. Nous avons plusieurs travaux de groupe à remettre, chacun avec des personnes différentes que nous ne pouvons pas voir, ou alors seulement via visioconférence. Nous devons également interviewer des professionnels de la santé dans le cadre de nos travaux de groupe et de notre TFE. Bien sûr, cela est impossible de par les mesures sanitaires actuelles. En discutant avec les étudiants et étudiantes d'autres écoles de la ville de Bruxelles, nous avons appris que plusieurs d'entre elles avaient mis en place différents arrangements afin d'alléger quelque peu la charge de travail et la pression pesant sur leurs étudiants et étudiantes. Certaines écoles autorisent leurs étudiants à travailler 160 heures comme jobistes, en étant payés donc, et à valoriser ces heures comme des heures de stage. D'autres ont allégé leur TFE ou l'ont remplacé par des heures de stage. Rien de tout cela n'a été fait, ni même envisagé dans notre école. Nous pouvons, Nous ne sommes pas écoutés par nos titulaires ou notre direction. Nous enchaînons les heures de stage avec une pression énorme sur nos épaules, mais aussi nous craignons pour notre famille en rentrant chez nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber malade car nous devrions rattraper toutes ces heures en plus. Nous avons conscience de la situation et nous comprenons que notre aide est précieuse aux équipes. Mais aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Nous sommes pressés comme des citrons de toutes parts et cette charge pèse sur nous. Notre école veut absolument nous diplômer en juin, mais à quel prix? Un grand merci d'avoir pris la peine de m'écouter. Nous avons besoin d'aide. Pouvez-vous nous aider? Est-ce qu'on peut les aider? Continuer à faire leur travail d'étudiant. Parce qu'en fait, étudier, c'est différent de travailler. Et malgré tout, on leur demande de travailler comme n'importe qui, mais en plus d'avoir leur charge de travail d'étudiant. Et donc ça, à un moment donné, nous, au niveau des jeunes LGTB, on ne peut pas l'accepter. Et donc, on décide de mettre en route aussi, via quel syndicat, on essaye d'aller porter la voix des étudiants, d'une part dans les écoles, dans chaque école, pour améliorer les conditions dans les écoles. Mais on essaye aussi en fait de lancer un mouvement qui soit au niveau de la région Wallonie-Bruxelles, parce qu'en fait, pour faire changer les lois au niveau ministériel. Et donc là, en fait, les revendications, je vais dire, elles sont encore au premier stade, donc on attend toujours d'avoir plus d'étudiants et d'étudiantes. Donc ça, n'hésitez pas à venir nous trouver après. Ça, c'était la manif de vendredi passé. Mais je vais juste vous dire, parce que ça, vous n'avez pas entendu ou ni vu, parce que c'est l'audio, impressionnant, les fourgons de flics qui étaient partout depuis Botanique jusque dans le quartier européen, donc c'était clair et net que si le rassemblement allait peut-être se déformer en manif, qu'il n'y avait vraiment pas moyen, ils étaient vraiment barricadés donc avec des barbelés et tout ça dans un petit carré à Arlois. Voilà, donc il y avait beaucoup moins de monde que le 13 septembre, mais tu te dis aussi, oui, avec un dispositif comme ça, ça fait peut-être pas rêver pour y aller. Et donc, tu voulais aussi faire un retour sur la manif de 13 septembre, mais plutôt aussi parce qu'il y a un cagnotte qui est en ligne, parce qu'il y a eu plusieurs arrestations et aussi des personnes qui ont été arrêtées judiciairement. En total, il y avait 32 arrestations administratives et 3 judiciaires pour rébellion. Plus d'une dizaine de témoignages concordant relatant la brutalité injustifiable qu'ont dû subir des personnes qui n'étaient manifestement coupables d'aucune infraction. Il s'agit d'arrestations arbitraires et abusives. Plusieurs témoignages relatent aussi que les policiers ont reçu l'ordre d'arrêter spécifiquement les personnes supposément gauchistes. Depuis, 3 personnes arrêtées judiciairement ont porté plainte contre X et 11 des 33 personnes arrêtées administrativement ont porté plainte au comité P. Un signalement au délégué général aux droits de l'enfant concernant les arrestations de mineurs pour qui les parents n'ont jamais été informés de leur détention est également en cours. Les personnes brutalement interpellées et arrêtées se sont rassemblées dans un collectif rue de la Régence, donc il y a une page Facebook. Et le 19 octobre, leur interpellation au conseil communal a été refusée. Les frais des différentes procédures judiciaires pourraient s'élever à plus de 12 000 euros. Cette somme est un frein considérable au droit à se défendre. De plus, aucune des personnes en procédure actuellement n'a désiré à un moment dans sa vie de se retrouver à s'endetter pour juste avoir été au mauvais endroit, soi-disant, au mauvais moment. Afin d'aider les victimes à obtenir justice et pour le paiement des soins de santé liés aux agressions policières, la Santé en lutte lance cette caisse de solidarité. Donc il y a une récolte de fonds. L'entièreté des fonds récoltés sera au bénéfice des victimes de violences lors de la grande manifestation de la santé, donc de 13 septembre. Vous serez informé via les réseaux sociaux et le site internet de Santé en lutte sur la façon dont ont été alloués vos dons et sur la date des audiences où nos présences seront d'un grand soutien. Nous vous invitons également à suivre la page du collectif Rue de la Régence. Et donc, ils disent à terme qu'ils aimeraient bien pérenniser une caisse de solidarité afin de permettre d'autres soutiens de ce type si cela s'avérait nécessaire. Une autre fois, c'est peut-être vous qui en aurez besoin, ils disent. Donc, la cagnotte est en ligne et je l'ai mis aussi dans le site Santé en lutte, Bruxelles, et j'ai aussi mis sur le site le blog de transgenre.noblogs.org. Et alors, on passe encore une petite musique parce qu'on passe vers Latin Amérique. Et après, on va presque terminer l'émission. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Bon, c'est une chanson de Calle 13, mais on va pas vous laisser écouter toutes parce qu'on va plutôt donner la parole via un petit reportage de 3 minutes encore pour le droit humain au Chili. Donc, c'est samedi, le 12 décembre, il y a eu une manifestation pour la liberté des prisonnières chiliennes. Donc, je vais juste, comme introduction, encore dire que le texte qui était lié à cet rassemblement, je vais lire une partie, après on a un peu de son, 3 minutes de rassemblement. C'était devant la gare centrale. Aujourd'hui, le Chili est dénoncé au niveau international, mais aussi à l'intérieur du pays, par l'Institut national des droits de l'homme, qui est pourtant un institut étatique. Celui-ci dénombre 40 morts, 465 mutilations oculaires, certains manifestants ayant perdu la vision des deux yeux, des dizaines de milliers de blessés. On note aussi des cartes de torture, harcèlement sexuel et 70 femmes violées dans les commissariats. Il y a eu plus de 5000 personnes arrêtées, dont 648 sont actuellement en prison préventive et 735 ont été condamnées. Il s'agit de prisonnières politiques sous un gouvernement soi-disant démocratique. Et la réponse du Parlement, c'est de renforcer cette répression avec une loi inique récemment votée, y compris par une partie de l'opposition qui criminalise la lutte sociale. Nous, citoyens chiliens, résidant en Belgique, exprimons notre profonde préoccupation face à la situation de ces prisonnières politiques en Chili et manifestons notre solidarité envers les multiples manifestations déployées au Chili et à l'étranger pour obtenir leur liberté. Nous saluons l'appel à la grève nationale le 10 décembre, donc c'était la semaine passée, provenant de l'Association des familles des prisonnières politiques chiliennes et de la Commission chilienne des droits de l'homme, et pour laquelle une participation active de la communauté internationale est requise. Nous demandons la libération immédiate de ces prisonniers politiques au moyen d'une grâce présidentielle ou une amnistie générale. Il est nécessaire de mettre fin au caractère arbitraire des procédures et des condamnations appliquées. Dans la plupart des cas, il s'agit de jeunes étudiants ou travailleurs dont certains étaient encore mineurs d'âge au moment de leur arrestation. Actuellement, ils attendent toujours d'être jugés pour des crimes présumés contre l'ordre public et dont les peines présumées sont encore plus faibles que le temps passé en prison préventive. En effet, Souvent, il n'y a aucune existence de preuves, ou alors des preuves qui ont été fabriquées au moyen d'artifices. Et donc, laisser la parole à le collectif Les Insoumises qui a organisé cet rassemblement samedi passé. Vamos a comenzar esta actividad de solidaridad con los presos políticos chilenos. Este acto de resistencia por Chile en solidaridad con los presos políticos, con el grupo Juan, Lala y Mario. Le pedimos un aplauso para ellos, por favor. Je pense, Mario, il y a plus de pancartes que de personnes, mais ça. Ouais, mais mais bon, c'est quand même le moment où les gens viennent leur shopping là. Ouais. Donc, n'importe quoi. Soirée et merci à Serge pour la technique et ouais, malheureusement oui on est toujours avec équipe réduite, voilà, on espère en 2021 de se retrouver de nouveau en nombre au studio. L'émission prochaine c'est le 23 décembre et après tout à la fin de l'année le 30 décembre c'est encore la distro, la Pinothèque. Bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.